Le président national du Parti pour le progrès du peuple du Nigeria est co-président du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017 a publié le 24 octobre un entretien en faveur de l'appel du comité préparatoire international. Il a dit que l'humanité progressiste veut, comme un seul, faire briller à jamais les exploits du président Kim Il-sung et de son excellence Monsieur Kim Jong-il, qui ont fait un immense apport pour la prospérité de la Corée et l'accomplissement de la cause d'émancipation de l'humanité, et que le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017 sera une occasion importante encourageant davantage la lutte de l'humanité progressiste en faveur de la souveraineté du monde entier.